Bonjour, je m'appelle Anthony, je suis en classe de première SP Art et nous travaillons en ce moment sur la réalisation d'un podcast. Chacun de nous doit présenter un artiste. En l'occurrence, je vais vous parler de Mathieu Barnet. Mathieu Barnet est un artiste américain né en 1967. Il est d'abord étudiant en médecine à l'université Yale avant de s'intéresser à l'art et au musée de New York. Il débute avec l'aide de la galeriste Barbara Gladstone. Il travaille le dessin, la photographie, le film, les installations vidéo et la sculpture. Il s'interroge sur la non-différenciation des sexes et des cyborgs et il est le producteur de la série de courts-métrages Crémaster. Crémaster 4 est publié en 1995. Il est produit et joué par Mathieu Barnet. Dans ce court-métrage, il utilise toutes sortes de plans, le contre-plongé, le gros plan et le plan rapproché. Il alterne fréquemment ses plans dans le montage de son court-métrage. Puis Mathieu Barnet met différents personnages en scène. Nous avons quatre hommes qui font du karting, qui perdront leurs testicules au fur et à mesure dans le film, trois danseuses au corps mutant et aux cheveux rouges, et le personnage principal qui semble également mutant. Celui-ci fera des claquettes durant une bonne partie du film, puis ensuite il se retrouvera piégé sous le sol, dans un milieu étrange. Ce court-métrage a une grande richesse en maquillage, décors et costumes pour refléter le monde fantastique qu'il illustre. Il y développe un univers onirique, étrange, baroque et parfois même absurde. L'œuvre peut être perçue comme étrange et osée, c'est sans doute ce que cherchait Mathieu Barnet. D'ailleurs, en parlant de choses osées, Crémaster est en fait un muscle recouvrant les testicules pour réguler la température. Il est difficile de reconnaître les acteurs dans ses films, mais il ajoute des stars dans ses castings, comme Richard Serra et Ursula Andress. Crémaster n'est pas qu'une œuvre cinématographique, elle rassemble également les photos et les sculptures réalisées par le film. Mathieu Barnet a découvert l'art de lui-même. Aujourd'hui, il fait partie des plus grands artistes contemporains. Ses œuvres attendent une extrême curiosité du spectateur. Cet artiste a d'abord influencé Björk, puis ensuite a travaillé avec elle. Mathieu Barnet propose de nouvelles choses, des œuvres hors normes et décalées dans le paysage de l'art contemporain.